sei se Moselle, on ira jusqu'au bout du grand monde avec elle, et on vivra de rien, enfin de presque rien, et on goûtera tout, enfin presque tout. On n'aura plus jamais peur de nos lendemains, ni de notre bonheur, on n'aura peur de rien. Demain, là-bas, peut-être, enfin bien. Demain, là-bas, peut-être, enfin oui, c'est certain. Allez viens, tu verras, elles vont sécher nos ailes, on fera du Gauguin. Mais juste en aquarelle, on fixera l'horizon sans jamais s'ennuyer. L'horizon c'est tout con, pourquoi s'impatienter? Et on n'attendra rien, non plus rien de la vie. C'est la vie qui donnera tout, et même plus qu'à l'envie. Demain, là-bas, enfin, oui, demain, là-bas, peut-être, enfin oui, c'est certain, allez viens, tu verras, elles vont sécher nos ailes, on volera côte à côte, comme deux hirondelles, allez viens, tu verras, on traversera le ciel, jusqu'au bout. Grand monde, bien plus loin que Sarcelles. On prépare ensemble la venue des amis pour de grands festins nus enrobés de la nuit. Et on boira à grand rire, et on boira à grand cri, on boira jusqu'à la lie le bon vin de l'oubli. Oui, c'est...